Pour me rendre jusque chez Marthe, je suivis la Marne. Je comptais cacher mon panier dans un buisson et le reprendre le lendemain. La guerre rendait cette chose dangereuse. En effet, au seul endroit où il y eut des buissons, où il était possible de cacher le panier, se tenait une sentinelle, gardant le pont de J. J'y dis longtemps, plus pâle qu'un homme qui pose une cartouche de dynamite. Je cachai tout de même mes victuailles. La grille de Marthe était fermée. Je pris la clé qu'on laissait toujours dans la boîte aux lettres. Je traversai le petit jardin sur la pointe des pieds, puis montai les marches du perron. Marthe était si nerveuse. Peut-être s'évanouirait-elle en me voyant dans sa chambre. Je tremblais. Je ne trouvais pas le tour de la serrure. Enfin, je tournai la clé lentement, afin de ne réveiller personne. Je butai dans l'antichambre contre le porte-parapluie. Je craignais de prendre les sonnettes pour des commutateurs. J'allai à tâtons jusqu'à la chambre. Je m'arrêtai, avec l'envie de fuir. Peut-être Marthe ne me pardonnerait jamais. Ou bien, si j'allais tout au coup apprendre qu'elle me trompe et la trouver avec un homme. J'ouvris. Je murmurai. Marthe ? Elle répondit. Plutôt que de me faire une peur pareille, tu aurais pu ne venir que demain matin. Tu as donc ta permission 8 jours plus tôt ? Elle me prenait pour Jacques. Or, si je voyais de quelle façon elle l'eût accueilli, j'apprenais du même coup qu'elle me cachait déjà quelque chose. Jacques devait donc venir dans 8 jours. J'allumai. Elle restait tournée contre le mur. Il était simple de dire « c'est moi ». Et pourtant, je ne le disais pas. Je l'embrassais dans le cou. « Ta figure est toute mouillée, essuie-toi donc ». Alors, elle se retourna et poussa un cri. D'une seconde à l'autre, elle changea d'attitude et, sans prendre la peine de s'expliquer ma présence nocturne, « mais mon pauvre chéri, tu es trempé, tu vas prendre mal, déshabille-toi vite ». Elle courut ranimer le feu dans le salon. À son retour dans la chambre, comme je ne bougeais pas, elle dit « Peux-tu que je t'aide ?» Moi qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui envisageais le ridicule, je bénissais la pluie, grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe repartait, revenait, repartait dans la cuisine pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva, nue, sur le lit, me cachant à moitié sous les dredons. Elle me gronda. C'était fou de rester nu. Il fallait me frictionner à l'eau de Cologne. Puis, Marthe ouvrit une armoire et me jeta un costume de nuit. Il devait être de ma taille. Un costume de Jacques. Et je pensais à l'arrivée, fort possible, de ce soldat, puisque Marthe y avait cru. J'étais dans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandai d'éteindre, car, même entre ses bras, je méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement. « Non, je veux te voir t'endormir. » À cette parole, pleine de grâce, je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse et, ne pouvant deviner, ma timidité maladive admettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuis 4 mois, je disais l'aimer et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'éteignis de force. Je me retrouvais avec le trouble de tout à l'heure, avant d'entrer chez Marthe. Mais, comme l'attente devant la porte, celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste, mon imagination se promettait telle volupté qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. Pour la première fois aussi, je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour.